un concert immersif envoûtant, un théâtre sonore d'ombre et de lumière, une installation dont vous êtes le héros, des performances ludiques et des soirées festives uniques. Des artistes d'ici et d'ailleurs vous convient à faire la découverte de ces œuvres hors du commun lors de cette grande fête multi. Le mois multi, du 3 au 27 février à Méduse et chez plusieurs partenaires. moimulti.org. Le gros lot du prochain tirage au Loto 649 est évalué à 18 millions, en plus du million garanti. Avez-vous votre billet? Oui, parfait. Non? Oui. Les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Oui, eh bien, bienvenue au Grain de Sable. Nous avons la grande visite aujourd'hui. Restez avec nous pour la prochaine heure. Nous avons le président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt, avec nous, qui était avec nous par la voix des ondes téléphoniques. Et on a aussi Renaud Blais, un ancien collaborateur à l'émission, un bon ami, qui a bien voulu venir nous voir en studio pour la deuxième partie de l'émission. Il nous fera référence à l'austérité, mais vu par un comptoir alimentaire, un tout nouveau comptoir alimentaire. Donc, il nous donnera même un peu l'historique de tout ce cheminement, de ce qu'on est obligé de faire lorsqu'on est en austérité. D'ailleurs, on salue le nouveau remaniement ministériel du premier ministre Philippe Couillard, qui semble vouloir sortir de ce marasme de l'austérité qu'il a créé lui-même. Alors, on verra bien avec le temps ce que cela va donner, mais toujours est-il que ces changements de chaise peuvent des fois provoquer de belles choses, mais on sera là, le grain de sable, pour surveiller, pour veiller au grain de sable. Claude Vaillancourt, bienvenue avec nous à Québec. Oui, bonjour Jean, ça va bien? Bonjour, ça va très bien Claude, merci d'être avec nous. Là, je m'adresse pas nécessairement à l'auteur, pas nécessairement au président d'Attaque Québec, mais au conférencier, enseignant, qui participera à une soirée relation sur le thème « L'austérité et les régions du Québec ». Vous savez, les mesures d'austérité du gouvernement libéral sont en train d'affaiblir le Québec en tant que société saine et viable. Se justifie-t-elle au nom de l'équilibre budgétaire et du contrôle de la dette publique? La véritable intention de ces mesures néolibérales semble plutôt être, ce qu'on va dire, la transformation du rôle de l'État au détriment des services aux citoyens. On n'a même pas besoin de vous énumérer tout ce qui... les gens qui ont été touchés personnellement dans le domaine de la santé, mais surtout dans le domaine de l'éducation. D'ailleurs, ça perdure. On voit que la Fédération des enseignants autonomes à Montréal continue les pressions. Et moi, je porte fièrement, présentement à la radio, mon t-shirt syndical, l'austérité, pas à pas, marchons ensemble. Alors, Claude Vaillancourt, vous serez à Québec, pour les gens qui veulent vous rencontrer, vous serez à Québec prochainement, mercredi prochain, le 3 février, 19h, avec deux autres panélistes, Jean Genet, vice-président de Solidarité rurale Québec et maire de Wentworth North, ainsi que Émilie Dufour, je crois, qui est de la MRC Charlevoix. Vous serez au Centre Frédéric Bach, 870 Avenue Salaberry. Une activité organisée en collaboration avec la revue Relations, dont on abordera le 75e anniversaire plus tard, si vous le souhaitez, Monsieur Vaillancourt. Mais d'abord, faut se rendre mercredi prochain pour vous rencontrer à la salle Michel Jourdan à 19h, où il y aura des gens qui voudront parler de l'austérité et les régions du Québec. Qu'avez-vous à nous dire, Claude Vaillancourt, pour ceux qui n'auront pas la chance d'être là mercredi prochain? Je pense l'austérité des régions. Moi, j'ai plus parlé de la question de l'austérité en tant que telle, donc expliquer d'où ça vient, pourquoi et comment ça se passe. C'est assez étonnant de voir que le seul grand projet du Parti libéral, quand il s'est fait élire, c'était d'établir des plans d'austérité. Et c'était d'autant plus surprenant, d'une certaine manière, parce que ça n'avait pas été abordé en campagne électorale. Donc, ce parti arrive au pouvoir, il fait sa campagne contre un référendum, il fait sa campagne contre la charte de la laïcité du Parti québécois, puis rendu au pouvoir, ce qu'on découvre, c'est que finalement, il y avait des beaux projets de plan d'austérité qui a appliqué d'une manière très, très studieuse, je dirais assez systématique, pendant la première année et demie qui est au pouvoir. Le remaniement ministériel est intéressant, ça semble une espèce de mea culpa. Mais quand on regarde derrière nous, là, on a l'impression qu'un orage vient de passer, que tout est détruit, et que on n'est pas sûr que ce gouvernement-là, finalement, a l'impression de rebâtir ce qu'il veut, ce qu'il vient de détruire. Ça, c'est clair. On a encore, je pense, en tant que société, énormément de revendications à faire pour au moins essayer de regagner là, ce qui a été perdu si rapidement, pour un résultat quand même qui est assez décevant. On peut pas dire que l'économie québécoise est relancée. On peut pas dire que ça va bien au Québec présentement. Non, c'est sûr. Mais qu'avez-vous à dire, justement, dans les régions? Est-ce qu'il y a des disparités régionales qu'on doit... D'abord, on sait que les villes Québec et Montréal, absolument, s'en sortent mieux. La moitié de la population est dans la région de Montréal. Mais est-ce que dans les régions, il y a des choses qu'on doit connaître qui ont été pires que dans les grands centres? Oui, ça, j'ai l'impression que pour ça, il faut vraiment venir à la conférence, parce que mes deux collègues vont parler de ce sujet-là, je pense, beaucoup mieux que je pourrais le faire, mais je pense que ce qui est assez systématique, c'est deux choses. Premièrement, de voir à quel point ces mesures-là ont touché à tout le monde, mais vraiment là, tout le monde. Et d'ailleurs, ce qui est assez particulier, c'est que dans ce mouvement-là contre l'austérité, les régions ont été très, très présentes et très actives aussi. Donc, on peut voir le résultat assez étonnant. Et je pense aussi d'autres affaires qui touchent beaucoup les régions, mais ça, c'est en ce qui me concerne un petit peu. C'est peut-être moins relié à l'austérité, mais ça va quand même créer des conséquences assez négatives. C'est l'inclusion de l'agriculture dans les accords de libre-échange qui risque de toucher, en tout cas, pas mal de monde et de créer certains manques, en tout cas dans les régions, de créer une concurrence dont on n'a absolument pas de besoin, qui va nous servir à strictement rien, sinon à nous affaiblir. Donc, je pense qu'il y a quelques nuages noirs encore au niveau des régions et une mobilisation aussi contre les accords de libre-échange. C'est quelque chose d'assez important à faire. Mais enfin, je pense que nos camarades, mercredi, vont avoir des choses extrêmement intéressantes à dire là-dessus. Oui, certainement. Et puisqu'on parle au président d'Attaque Québec, quels sont les gros dossiers à l'heure actuelle? Je ne vais pas vous mettre l'eau à la bouche trop, mais on parle beaucoup de paradis fiscaux ces temps-ci parce que, justement, on a comme découvert là, que ces grandes transnationales, dont certaines québécoises, que ce soit Québécois, Vidéotron, Transcontinental, on sait très bien que ces grandes entreprises là, qu'on salue toujours par la création d'emplois, mais derrière les portes closes, il y a de l'évitement fiscal, il y a des paradis fiscaux que ces entreprises-là font. Et le milliard qu'on a coupé en se braguant avec le discours d'austérité, on aurait peut-être pu aller le chercher avec tous ces impôts non payés par ces grandes entreprises. Oui, tout à fait. Le lien est très important entre l'austérité et les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, on sait que ça fait longtemps que ça existe, que longtemps que les entreprises en profitent énormément. On avait comme accepté ça en fermant, en parlant pas trop. Mais là, tout à coup, avec l'application des mesures d'austérité, bien, ça vient carrément indécent. Et c'est ce qui est nouveau, je dirais. C'est qu'avant, on savait que ça existait, mais il y avait une espèce de résignation dans la population qui était quand même un petit peu décevante pour une organisation comme la nôtre, parce qu'on essayait vraiment de sensibiliser les gens à ça, puis on n'avait pas l'impression d'avoir une grande écoute. Mais là, depuis les mesures d'austérité, c'est devenu un sujet un peu incontournable, et il y a vraiment une réaction très forte de la population. Je pense qu'on a vu ça avec l'affaire Pilado. On n'accepte plus que ça se passe, c'est-à-dire que nous, on paye des impôts, évidemment, en bonne quantité, et que les grandes compagnies, les individus les plus privilégiés, eux, en payent pas. Donc, il y a une contribution nécessaire de la part de tout le monde qu'il faut qu'il se fasse. Cependant, On est quand même assez loin dans dans la bataille pour arriver à des résultats. Donc, on voudrait qu'il y ait des mesures beaucoup plus significatives qui se prennent de la part du gouvernement, qu'on mette, par exemple, l'échange automatique des renseignements, qu'on s'attaque aussi à toutes ces conventions qu'on a fait avec les paradis fiscaux qui permettent à tous ces gens-là de cacher de l'argent en toute légalité. Finalement, c'est ça le problème, mais c'est légal. Donc, c'est à ça qu'il faut s'attaquer, et je pense qu'il faut continuer à revendiquer des actions beaucoup plus significatives de la part de nos gouvernements. Oui, pour que les gouvernements suivent, parce que je sais que Stéphane Dion, le ministre des Affaires étrangères, qui était à Québec cette semaine pour rencontrer quand même un personnage très influent, John Kerry, le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, donc le ministre des Affaires étrangères de la plus grande puissance capitaliste au monde à l'heure actuelle, ainsi que leur contrepartie mexicaine, dont j'ai oublié le nom, mais on peut comprendre qu'il était là à titre de ministre des Affaires étrangères du Mexique. Semble-t-il que M. Dion, dans ses priorités, quand il y a eu le mandat de son premier ministre Justin Trudeau, c'était de s'intéresser justement à l'évitement fiscal. Et pensez-vous vraiment que ce nouveau gouvernement pourra, avec l'aide de toutes ces ententes internationales, parce qu'on sait que par ces ententes de libre-échange, on permet de donner plus de pouvoir aux transnationales et on peut donc peut-être espérer que si justement le peuple prend la rue puis critique le fait que des grandes entreprises font d'évitement fiscal ou rêvent à des paradis fiscaux, on puisse changer le monde, changer la situation. Pensez-vous que c'est possible que des pressions des groupes comme Attaque Québec puissent influencer et créer un momentum où, oui, au prochain budget, on aura une nouvelle agence qui court après les paradis, les paradisiaques et qui, en plus, nous sort une taxe sur les transactions financières qui pourrait aussi régler un problème? Oui, ça, c'est clair que sans pression, le gouvernement ne fera rien. Ça, c'est sûr. Donc, il faut vraiment faire des pressions. Là, actuellement, je pense que parler de momentum, il est bon. Le momentum, c'est très clair que les gouvernements sont conscients du mécontentement que provoque toute cette question d'évitement et d'évasion fiscale. On sait aussi qu'avec le gouvernement conservateur, c'est un gouvernement qui a énormément favorisé l'expansion du recours aux paradis fiscaux, par exemple en signant plusieurs conventions avec des paradis fiscaux. Alors, c'est sûr que le gouvernement, c'est ce qui est rassurant avec le gouvernement Trudeau, c'est qu'il peut pas faire pire que ça. Donc, maintenant, dans quelle mesure il va aller, ça, on se pose la question. La taxe des transactions financières, c'est un sujet, malheureusement, dont on parle plus assez aujourd'hui. C'est une taxe qui est extrêmement importante, qu'il faudrait mettre en place. Le Parti libéral, historiquement, à la fin des années 90, donc ça fait longtemps de ça, avait appuyé le principe de cette taxe-là. Donc, ça veut dire que c'est un gouvernement qui est pas défavorable à ça. Maintenant, ça aussi, il va falloir des pressions, il va falloir que des groupes, pas seulement Attaque, mais d'autres, fassent une revendication pour aller dans ce sens. Donc, moi, je pense que par rapport à ce que c'était il y a quelques années, on est dans une situation où ces idées-là sont beaucoup plus aptes à passer et à soulever un intérêt. Mais encore une fois, les gouvernements, faut pas oublier qu'ils sont victimes d'un lobbyisme assez intensif des grandes entreprises qui, elles, veulent continuer à cacher leur argent dans les paradis fiscaux. Les grandes banques qui, elles, ne veulent surtout pas l'établissement de taxes sur les transactions financières. Donc, c'est une bataille qui se continue, mais disons, c'est peut-être un des rares avantages de l'austérité. En période d'austérité, ces revendications-là paraissent plus légitimes que jamais. Donc, il faut continuer à mettre l'accent là-dessus. Je sais, vous étiez en Europe en décembre dernier, puisqu'on y était ensemble pour participer aux activités de la société civile, le Off Bourget, oui. à la COP21, qu'on doit dire de plus en plus. J'ai été disputé par les gens du ministère des Relations internationales, M. Vaillancourt. C'est pas la COP21, mais c'est la CDP21, parce que c'est la conférence des partis. Donc, il paraît que c'est le Québec qui peut franciser le monde. Il faut pas se fier sur les Français qui font du shopping le week-end. Oui, oui. Et du parking et tout, le tralala. Donc, oui, Et j'aimerais faire un lien, même s'il n'est pas direct, mais ça me permet de parler de la revue sociale et politique À Bâbord que vous m'avez fait découvrir récemment, Claude. Et dans un texte que vous signez pour le meilleur et pour le pire, l'Europe et nous, vous vous amusez à comparer ce qui se passe en Europe, que ce soit le système ou le mode de scrutin ou d'autres choses qui se font en Europe qui se font pas nécessairement ici. Mais est-ce qu'on a des choses à apprendre de l'Europe sur leur façon de combattre justement les paradis fiscaux, de combattre les transactions financières, de réussir à avoir une taxe? Parce qu'en Europe, ça bouge. Là. Le Parlement européen regarde beaucoup plus près que nos parlements ici la possibilité d'avoir une taxe financière. Il y a des projets de loi concrets là-bas. Tout à fait. Oui, ben pour la taxe de transactions financières, c'est à la fois intéressant et décevant. C'est intéressant parce qu'il y a quand même 11 pays qui ont décidé de mettre en place cette taxe-là. Mais décevant parce que normalement, cette taxe-là, elle devrait avoir cours présentement. Mais on a tellement, il y a eu tellement, des pressions tellement fortes du lobby des banques que premièrement, la taxe n'a pas abouti. Et on sait toujours pas quelle couleur elle va avoir, cette taxe-là. C'est-à-dire, est-ce que ça va être vraiment une taxe significative qui agit sur la spéculation et aussi qui peut rapporter des bons revenus, ou ça va être une espèce de taxe bidon, finalement, qui fera pas du tout ce qu'elle a l'intention de faire. Donc ça aussi, c'est une bataille qui court actuellement. On voit quand même que les Européens sont plus avancés que nous, mais que c'est toujours extrêmement difficile d'arriver à ce genre de recours-là. Sur les paradis fiscaux, c'est la même chose. Les Européens sont plus avancés que nous, sont en train d'essayer de s'attaquer au secret bancaire, par exemple. Mais là aussi, on se retrouve dans un conflit entre ce que voudrait la société et le lobby des banques, qui est toujours très, très efficace. Par exemple, ce qu'on veut en Europe, ce qu'on essaie d'établir, c'est l'échange automatique de renseignements. Donc, il y a une demande réelle là-dessus. Oui. Mais les banques voudraient que ça soit... Mais ça vient des États-Unis, ça. Très secret, finalement. Donc, oui. Ça serait que quelques fonctionnaires au gouvernement qui auraient accès à ces informations-là, qui ne seraient pas rendues publiques. Alors, on n'est pas tellement plus avancé. Ça aussi, c'est en cours. Donc, on voit qu'actuellement, relié à toute cette question de l'austérité, il y a vraiment des enjeux qui sont soulevés, des enjeux qui sont extrêmement importants, mais la conclusion n'est pas là encore. Donc, c'est toutes des batailles qui sont en cours. Il y a énormément de choses qui se passent. J'ai l'impression que dans quelques années, on va savoir si on vit dans une société qui est meilleure ou tout simplement une société qui est encore pire. Donc, et c'est pour ça que je pense que c'est important de suivre l'actualité, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de s'impliquer, parce que si nous, on est absent en tant que société, ben, c'est sûr que les solutions qui seront prises ne sont pas celles qui vont aider le plus grand nombre de la population. Oui, vous faites référence à des actions gouvernementales en Europe qui ont fait tomber des ministres, hein, ben, parce qu'eux-mêmes s'étaient fait prendre à cacher de l'argent en Suisse. Oui, c'est ça. Et tout ça vient justement d'une divulgation bancaire qui a ses origines ici même sur le continent, aux États-Unis. Je crois qu'il y a un projet de loi où il y a une loi qui a été forcée de divulgation, et ça a eu des impacts en Europe. Mais est-ce que nous aussi, c'est le genre de choses, peut-être que Stéphane Dion a parlé avec M. Kerry, la possibilité d'avoir des lois contraignantes ici qui obligent la divulgation, et c'est à ce moment-là que peut-être que les têtes vont tomber aussi dans le monde de la politique? Ben, c'est-à-dire que ce que les États-Unis ont fait, puis ça, c'est très bien, c'est un modèle du genre, là, on le cite, c'est ce qu'on appelle le FACTA, c'est cet échange automatique de renseignements qui est plus intéressant que ce qu'on voudrait faire, en tout cas, que ce qui est sur la table en Europe. Donc, ça, ce serait un modèle à suivre, c'est sûr. Maintenant qu'on a l'échange automatique, il faut être capable de s'en servir pour sévir contre les fraudeurs, parce que le FACTA, ça attaque essentiellement les gens qui font de l'évasion fiscale, mais aussi l'évasion fiscale, oui, que dis-je. Oui. Mais ça peut aussi, mettre à jour des gens qui ont des pratiques d'évitement fiscal. L'évitement, c'est ce qui est parfaitement légal, oui, mais disons pas moral. Hein. Alors donc, si on a une transparence, bien, on peut aussi dénoncer ceux qui finalement, d'une manière officiellement acceptée, mais officieusement inacceptable, utilisent les paradis fiscaux pour pas faire leur contribution. Donc, ça nous donne un aperçu de ce dont on pourra parler mercredi prochain au Centre Frédéric Bach, l'activité organisée par Soirée Relations. Il y a toujours une période de questions aussi. Les gens pourront aller s'exprimer sur leur austérité locale. Comment ils ont vécu ça. Donc, restez avec nous, Claude Vaillancourt, parce que je sais que Renaud Blais est arrivé avec son fils, et puis je vais leur demander de transférer en studio après avoir entendu une chanson que j'aime bien, un groupe qui a fait ses marques, Mes aïeux en famille, qui a une chanson sur la capitale. Je ne sais pas si vous la connaissiez. Restez avec nous. Mm-hmm. J'aimerais qu'on parle du 75e anniversaire de la revue Relation. Bancal, le yob en personne buvait un pot en compagnie de ses suppôts. Tour à tour, chacun de ses complices déposait leur rapport sur l'état du vice. La machine du mal baignait dans l'huile, contrôle total de la grande ville. Et puis sa majesté pourpre prit la parole. On a le monopole sur la métropole. Mais n'arrêtons pas là nos ambitions, mes amis, l'heure est à l'expansion. Étendons bien grandes les ailes du mal. Prochain objectif, la capitale. Demain, je faille à l'autre bout de la ville pour y faire un peu de travail de terrain. Lucifer, Inc, exportation du mal. Siège social situé à Montréal. Exportation du mal, siège social situé à Montréal. Lucifer Inc, exportation du mal. À cheval sur son B666. S'arrêtons en face du bar chez Boris. Mais comme sa face t'as pas connue d'en place, il a dû faire la file comme n'importe quelle tâche. Au bout d'une heure, enfin à l'intérieur, il sortit sa ligne à pêche aux futurs pêcheurs, distribuant son lot de cartes d'affaires à quiconque avait l'air le moindrement pervers. Lucifer Inc, propagation du mal, siège social situé à Montréal. Lucifer Inc, propagation du mal, siège social situé à Montréal. Lucifer Inc, propagation du mal. Mais à Québec, c'est sache le protocole. Faut jamais mentionner qu'on vient de la métropole. Sinon, ça risque fort de te revenir dindin. Le yob allait l'apprendre lui-même à ses dépens. Dis pas un petit fréchier de Montréal qui va venir chez nous nous montrer comment faire le mal. Le yob avait beau faire sonner ses écus, le doorman l'a sorti à grand coup de pied dans le cul. Aïe, aïe, aïe, aïe. Son vol plané s'est terminé dans un poteau. Le choc a fait germer une idée dans son cerveau. Il lui suffisait de trouver un homme respecté dont il pourrait usurper l'identité. Il eut un flash génial, la victime idéale ne pouvait être nul autre que le bonhomme carnaval. Qui donc pourrait se méfier d'un personnage aussi jovial? L'homme au bedon monumental. Lucifer Inc, incarnation du mal, siège social situé à Montréal. Lucifer Inc, incarnation. Siège social situé à Montréal. Lucifer Inc, incarnation du mal. Légumes, ça lui ouvrit le chemin qui menait au fameux costume. En enfilant le suit de l'homme de glace, il entendit son propre rire résonner dans le casse. Et comme pour Wolf, la conquête fut facile. Il a reçu des mains du maire les clés de la ville. Tour à tour, les remparts se sont effondrés. Les portes se sont ouvertes et le yob est entré. au Parlement, on lui déroule le tapis. On est du genre dormir tranquille, les loups sont entrés dans la base ville. Hey, honest people, better watch your back. Downtown's been taken by a wolf pack. Fais attention, belle jeunesse, ils sont à la recherche de nouvelles duchesses. Fais attention, belle jeunesse, ils sont à la recherche de nouvelles duchesses. Fais attention, belle jeunesse, ils sont à la recherche de nouvelles duchesses. Lucifer est une implantation du mal, siège social situé à Montréal. Lucifer est une implantation du mal. Lucifer est une implantation du mal, siège social situé à Montréal. Mes aïeux nous rappellent que Lucifer a son siège social à Montréal avec une succursale dans la capitale. Êtes-vous d'accord avec ça, Claude Vaillancourt? Oui, oui, c'est bien tourné. La revue Relations, et puis en fait dans la chanson aussi, on mentionnait qu'on était à la recherche de duchesse, mais non, la reine a été élue là, cette semaine, on n'a plus besoin de duchesse, ça va aller l'an prochain, pour ceux qui veulent, pour celles d'ailleurs, pourquoi pas ceux à un moment donné, qui veulent avoir un voyage gratuit en France, sont allés en France avec le bonhomme récemment, et peut-être que le bonhomme a fait le tour du monde justement grâce à sa photo avec M. Kerry, secrétaire d'État aux États-Unis, donc au moins il sera venu pour une bonne raison à Québec. La revue Relations est publiée par le Centre Justice et Foi, un centre d'analyse sociale progressiste fondé et soutenu par les Jésuites du Québec. D'ailleurs, à ne pas confondre avec les relations des Jésuites du temps de la Nouvelle-France, mais effectivement, c'est quand même les Jésuites qui sont à l'origine, il y a 75 ans, de créer cette revue Relations. J'aime beaucoup, c'est des textes vraiment intelligents. Et cette revue œuvre à la promotion d'une société juste et solidaire en prenant parti pour les exclus et les plus démunis depuis sa création en 1941. Alors qu'un vent de fatalisme souffle sur notre société, que les élites politiques et économiques persistent à entonner à l'unisson le refrain d'une croissance aveugle et de l'idéologie néolibérale, nous croyons, au contraire, à Relations, que l'avenir est ouvert et qu'il exige que nous discutions et décidions collectivement ce dont il sera fait. Donc, à l'occasion de son 75e anniversaire, il est déjà sorti en kiosque parce que je sais qu'aux Amis de la Terre, il est disponible pour ceux qui écoutent et qui sont membres des Amis de la Terre. Vous pouvez aller au Centre Frédéric Bach à la bibliothèque des Amis de la Terre pour consulter cette revue dans laquelle j'ai vu un superbe texte de Viviane Labrie. Je vous reviendrai en fin d'émission après avoir parlé avec Renaud Blais du Cercle citoyen au cœur de Sainte-Foy qui est avec nous en studio. Peux-tu saluer bonjour. Claude? Vous bonjour, connaissez bonjour. Claude Vaillancourt, j'imagine. Oui, on s'est déjà rencontrés. On a déjà eu une petite expérience à l'université, entre autres. Ah oui, on en reparlera tout à l'heure. Avez-vous déjà lu la revue Relations Renaud Blais? Oui, vous connaissez ça. Ouais. Le texte de Viviane Labrie, faut pas manquer. D'ailleurs, Viviane nous a promis qu'elle viendrait d'ici quelques semaines quand elle sera de retour à Québec et disponible pour parler de son texte dans cette revue du 75e en kiosque à l'heure actuelle, du doux s'il vous plaît, dans la maison commune. Et je pense que ça vaut à peine qu'on y revienne avant la fin de l'émission. Je vous lirai quelques extraits, des exemples qu'elle donne. Et donc, cette revue qui fête son 75e anniversaire, la revue Relations, a une nouvelle maquette, une nouvelle facture, quoi. Et cette revue, vous pouvez aller sur le site du Centre Justice et Foi pour consulter une version, un genre de petit vidéo qui vous donne cette nouvelle version de la revue Relations et un accès à sa page Facebook. D'ailleurs, j'ai liké la page Facebook aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de détails intéressants, mais on peut pas lire les textes. Il faut s'abonner à la revue pour les lire. Les trois derniers numéros, les trois dernières années, je crois, des numéros sont disponibles aux abonnés. N'est-ce pas, M. Vaillancourt? Oh, ça, je sais pas. Faudrait demander aux gens de la revue, mais en général, les articles arrivent en ligne quand même assez vite. Donc, c'est sûr que le numéro courant n'est pas disponible, mais les articles récents peuvent être accessibles. Et vous, quelle est votre expérience avec la revue Relations dans les 75 dernières années? donc, j'ai écrit, on m'a invité assez régulièrement à écrire dans cette revue-là, et pour moi, c'est toujours un plaisir, et disons, je suis toujours impressionné par le professionnalisme de l'équipe, et aussi, quand même, la persistance de cette revue, 75 ans au Québec, c'est quand même quelque chose, une revue quand même qui est pas, qui fonctionne pas selon des critères commerciaux, dans lesquels il n'y a pas de publicité, et qui se base sur la qualité de ces des auteurs qui sont invités, donc je pense que c'est un très bel exploit d'avoir persisté tout ce temps-là, et je pense que la revue se porte toujours très bien aujourd'hui, et elle maintient ses très hauts niveaux, je pense qu'elle a tout à fait sa place encore actuellement. Oui, puis il y a toutes sortes d'écrivains qui écrivent là-dedans. Il y a aussi des textes qui traitent d'actualité internationale. J'aime bien là, quand un des collaborateurs, certainement, parle de la Catalogne. On a souvent de bons textes qui nous met à jour sur ce qui se passe en Catalogne. Oui, tout à fait. Donc, on a effectivement des articles sur l'actualité politique, les affaires internationales. Et aussi, ce qui est intéressant de cette revue-là, c'est qu'il y a une dimension artistique aussi. On fait appel à des écrivains, on fait appel à des poètes. Les illustrations, c'est des artistes qui sont importants sur la scène québécoise. Donc, c'est vraiment une revue aussi qui a cette belle ouverture à la culture, ce qui n'est pas si fréquent, finalement. Il y a des recensions de livres aussi que j'aime bien. Oui, tout à fait. Comme toute revue qui se respecte, oui, effectivement, c'est intéressant aussi. Entre autres, Maxime Combe, je crois qu'il y avait une très très bonne critique d'un de ses derniers livres, Climatique Stop, qui est vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a un must. D'ailleurs, ma copine qui est partie au Mexique avec, elle a amené un livre pendant 2 mois de voyage au Mexique, puis c'est celui-là. Donc, je peux malheureusement pas y faire référence à l'heure actuelle, mais je sais que j'ai eu de bonnes recensions dans la revue Relations. Monsieur Claude Vaillancourt, avez-vous encore un petit peu de temps? Parce qu'après la pause, j'aimerais qu'on parle justement de l'austérité en région, de l'austérité locale. Et Monsieur Renaud Blais est très, très bien placé, puisqu'il est président du Cercle citoyen au cœur de Sainte-Foy, un organisme qui s'engage, entre autres, à payer du lait pour tous les utilisateurs du comptoir alimentaire citoyen de Sainte-Foy-Centre, un des 5 comptoirs alimentaires de Sainte-Foy. Et ça, pour les gens de Québec, c'est surprenant d'entendre ça, Claude, parce que Sainte-Foy, pour les gens comme moi qui viennent de la Basse-Ville, a toujours vu Sainte-Foy comme étant une ville de riches, tout près de Sillery, l'équivalent de Westmount de Montréal. Et le Sainte-Foy, il y a comme une coche là. Et moi, je viens d'un milieu ouvrier, la Basse-Ville, et je sais que même quand on jouait au hockey, il y avait des rivalités qui allaient au-delà de la rivalité du sport. Et là, il y a 5 comptoirs alimentaires à Sainte-Foy. Donc, restez avec nous. Après une courte pause, on aborde le sujet avec Renaud Blais. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix aux émissions musicales tous les samedis. Michel-Ange avec Michel Gay à midi. Rétrogardiste avec Christina Moschilli à 17h. Ma boîte à cassettes avec Jean-Philippe Deschênes en 6 à 8. Cercle vertueux, ce satané, cercle vertueux. 89.1. Cercle vertueux, ce satané, cercle vertueux. Je vis dans un bateau qui coule, j'écope autant que je peux, mais la houle est incessante. Le temps est une pente glissante. Sentir, avancer mon corps est encore pire. J'ai tort dès lors que j'ose sortir, mes choix sont pas les bons. Mon aura, mon avis sont moribonds. J'ai comme une chape de plomb sur mes envies. Je me dérobe à chaque porte de sortie. Si je souris, c'est pour que j'agrippe ce satané cercle vertueux. Cercle vertueux, ce satané cercle vertueux. C'est KRL. De retour avec nous en studio, Renaud Blais. Merci d'être avec nous, Renaud. Et Claude Vaillancourt, à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la route 20 ou de la 40, ça dépend, c'est selon, ou à l'autre bout du train, pourquoi pas, ou de... De Québec, c'est très loin. Quand on est à Montréal, c'est moins loin. C'est ça. Ou c'est l'inverse. C'est ça, on descend ou on monte, là. Ça dépend, c'est toujours plus vite quand on Vigneault descend. Vigneault dit dans un de ses textes, celui qui pagaie connaît bien le sens du courant. Ouais, ben, si tu remontes le fleuve, tu sais que tu remontes. Ouais, mais jusqu'à Trois-Rivières, il y a des marées là. Ça peut être confondant des fois là. Mais quand même, merci Renaud Blais d'être avec nous, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président du Cercle des Citoyens au cœur de Sainte-Foy. Ouais. vous avez lancé un communiqué cette semaine, puis c'est là que j'ai dit, ah, il faut absolument que Renaud vienne nous parler de ça. Mais est-ce que vous vivez, vous, dans les comptoirs? Ben moi, j'étais utilisateur d'un des comptoirs alimentaires de Sainte-Foy, qui existe depuis au moins une quinzaine d'années. Mais ce qui est arrivé il y a à peu près 18 mois, c'est que c'est la Saint-Vincent-de-Paul qui n'en pouvait plus, puis qu'on l'a repris en mobilisant les utilisateurs eux-mêmes pour se donner un comptoir. C'est pour ça qu'on appelle ça maintenant un comptoir citoyen. Puis ça, c'est une chose qui est parrainée par Ressources Espace Famille, mais à peu près dans le même temps, on a mis sur pied le Cercle Citoyen, qui est un cercle citoyen qui comme n'importe quel regroupement de citoyens, mais on a l'avantage d'avoir un moyen de financement qui s'appelle de l'autofinancement. On fait de la guignolée. Ça nous donne des moyens avec pas de compte à rendre à personne. De la guignolée en dehors de Noël, en dehors du temps des fêtes? Non. On a fait, dans 3 semaines avant les fêtes, on a ramassé 15 000 $ dans la guignolée. Fait que quand tu payes pas de salaire puis tu payes pas de locaux, ça donne des moyens de faire des actions. Puis c'est pour ça qu'on a dit, nous autres, que le comptoir alimentaire citoyen, on allait payer le lait pour les 80 personnes qui se présentent 2 fois par mois. Mais tant qu'à aller pour chercher du lait, j'imagine que vous offrez autre chose, là. Ben, Moisson Québec nous fournit la bouffe, en grossièrement. Ben, de la bouffe de Moisson Québec à laquelle nous, on ajoutons le lait. Puis, dans le communiqué, je sais pas si t'avais remarqué, il y avait un petit paragraphe qui s'appelait « Le message », 2 points. C'était une invitation aux autres acteurs de Sainte-Foy de faire aussi leur part. Par exemple, pour les autres comptoirs qui sont toujours dirigés par la Saint-Vincent-de-Paul, eux, ils investissent de l'argent dans le comptoir. Mais nous, comme on était les citoyens, on n'a pas les moyens d'investir. C'est ce qui fait que depuis qu'on l'a pris à peu près 18 mois, les gens payent 2 $ pour avoir leurs 2-3 gros sacs d'épicerie. Mais on ajoute le lait à ce que Moisson Québec nous donne. Puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que la Ville de Québec continue à nous fournir le local sans frais. Mais vous, est-ce que vous vivez l'austérité, là, celle ben, dont on parle? On a de plus en plus de monde. Vous avez vécu l'impact? Il y a de plus en plus de monde au comptoir alimentaire. C'est pas que vous avez moins d'argent, c'est plutôt... Il y a plus de monde. Il y a plus de monde. OK, c'est là que ça vous touche. C'est ça, oui, ouais, tout à fait. Puis quand on dit 5 comptoirs alimentaires, c'est pas rien, là, Sainte-Foy, là. Puis tantôt, tu parlais de Sillery, là. Ben moi, j'ai vécu 15 ans à Sillery, ouvrez les guillemets, dans le quartier pauvre de Sillery. Oui. Puis dites jamais ça devant l'actuel chef de l'opposition à Québec, qui est le dernier maire de Sillery. Il veut pas en entendre parler du quartier pauvre de Sillery. Mais moi, je vivais dans ce qu'il appelle Bergeville aujourd'hui, allez voir. Oui, là. Il y a des immeubles là qui sont en décrépitude, qui devraient, à mon avis, être transformés en HLM. Mais essayez de parler de ça avec le dernier maire de Sillery. Ouais. Ben, je me cherche un logement, justement. Ça m'intéresse de vivre pauvre dans le quartier le plus riche. Derrière le Saint-Germain, là, à Sillery, là, Charles, Charlotte, oh, oui. William... Oui, il y a des logements moins chers que... Mais okay. Donc, vous le vivez de cette manière-là. Il y a plus de monde qui... Et quand on parle que M. Hamad, de sa dernière présence, où d'ailleurs il a inventé une expression qui a fait le tour du Québec, là, c'est tellement drôle. Alors Sam, qui voulait couper 300 $ à des assistés sociaux, là il est rendu le patron des coupures au Conseil du Trésor. Oh, ouais, comment voyez-vous ça? Le patron, c'est M. Couillard, dans le fond. Là. Eux autres, ils sont des lieutenants, puis ils obéissent à l'ordre du patron. Là. Sinon, on va perdre 2 postes de ministre, c'est pas compliqué. Là. C'est... Comment voyez-vous ce remaniement? Est-ce que vous pensez moi, que... Moi, ça, je n'étais pas venu ici de parler de ça, mais pour moi, c'est du cosmétique. Ça résume ma pensée. OK, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Puis c'est le budget qui va nous dire là, si ça a fait de changement OK, ou non. No money, no fun, on attend l'argent... Ouais. Et est-ce que, M. Vaillancourt, à Montréal, vous entendez de ces situations-là? Parce qu'il me semble que Moisson Québec aussi est touché à Montréal. On a vu des reportages là-dessus cette semaine que non seulement on manque de nourriture, on peut pas offrir autant de nourriture qu'on le pouvait. Est-ce que vous en avez des échos à Montréal, là, ça? Ça, je suis pas tellement au courant de ça, en fait, mais ce que je trouve important là-dedans, c'est que vous savez, M. Couillard du Parti libéral, avait dit que leurs mesures d'austérité, finalement, c'était juste, comment je peux dire, une espèce de réaménagement là, que ça toucherait pas la population. Puis on voit à quel point là, ça touche la population, des programmes qui sont coupés, l'aide sociale qui est touchée directement, donc c'est sûr que ça rentre dans la vie des gens, des emplois qui se perdent aussi. Moi, je pense que ça laisse énormément de traces Et c'est extrêmement concernant, je pense. Et le nouveau ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à qui incombe justement de s'occuper de cette loi de l'élimination de la pauvreté, qui a été tellement portée fort il y a une vingtaine d'années par Viviane Labrie et d'autres groupes ici à Québec. En tout cas, je me souviens d'avoir vu et campé avec des gens en face de l'Assemblée nationale, ici dans le parc de l'Esplanade, et d'y avoir été avec Pierre Falardeau, et j'ai des anecdotes là-dessus que je pourrais raconter si on a le temps plus tard, mais essentiellement, est-ce que ce nouveau ministre, François Blais, qui est à l'éducation, va faire ce qu'il a fait toute sa vie comme chercheur, enseignant, doyen de la Faculté des sciences sociales, le revenu minimum garanti? Est-ce que ça fait partie des discussions dans les groupes Claude et Renaud? Ben, moi, je peux dire que quand j'ai lu son livre, on venait de faire une étude, nous autres, sur les différents... façon de voir un revenu minimum garanti, l'allocation universelle et tout ça. Son livre, là, il est extraordinairement décevant. Ben voyons. Parce qu'ils ont financé l'étude à hauteur de 350 000 $. Ils ont fait payer des chercheurs pour arriver... Avez-vous vu la conclusion du livre? Non, mais parmi nous... Faudrait poursuivre les études. Ah. C'est une farce, ce livre-là. Là. Ça a été... En tout cas, c'est donc, moi, on peut peut-être penser... Attendons qu'il le mette en application. Donc, Oui, puis c'est pas tout. C'est que François Blais, dans sa vision du revenu minimum garanti, je pense que c'est pas tout à fait la nôtre. Hein, parce que lui, c'est dans un État qui va tout couper des services, qui va tout privatiser. Mais dans le fond, ce que ça permet, ça va permettre aux gens de pouvoir acheter des services qui étaient publics avant, qui sont rendus privés. Ah. Donc, c'est vraiment pas du tout dans ce qu'on voit, nous, comme revenu minimum garanti. Ça, c'est une nuance importante. Parce que sinon, il serait pas dans le Parti libéral. C'est évident. Parce que je me souviens qu'on parlait, par exemple, de 12 000 $, hein, le fameux revenu moyen minimum espéré, en tout cas pour pouvoir vivre normalement. Pour arrondir les chiffres, parlons de 12 000 $. Mais si avec mon 12 000 $, là, je suis obligé d'aller payer mon médecin avec un ticket modérateur, que je suis obligé de payer l'école primaire, alors c'est ça. Donc, on compenserait le montant qu'on donne à tout le monde, on le couperait. Donc, c'est une façon de parler d'austérité par la bande. Si ça permet aux employeurs de payer les employés la moitié du salaire minimum, on n'est pas plus avancé. Qu'en pensez-vous, Claude Vaillancourt, vous aviez... Oui, ben c'est ça. Moi, je pense que c'est pas de cette façon-là donc il faut voir du tout cette mesure-là. C'est ça. C'est pas efficace. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on demande. On demande pas un affaiblissement là de tout ce qui est public. Hein. C'est sûr que ça fait l'affaire du privé d'une certaine manière, hein, parce que eux, ils vont avoir plus de services. Ils vont pouvoir aller chercher de l'argent. Hein. Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Renaud Blais, donnez-nous des chiffres, parce que tout à l'heure, on a beau en parler, vous nous avez dit que il y avait plus de monde qui fréquentait les 5 comptoirs Saint-Ouen, dont le vôtre. Ouais. Donnez-nous un aperçu en pourcentage, là. Je ne demande pas de nommer les personnes, puis le nom, mais vous dites qu'il y a eu beaucoup plus de monde depuis la dernière année qui ont augmenté. Depuis 2 ans, on est passé de 50-60 personnes à une moyenne de 80 qui viennent 2 fois par mois à notre comptoir. Les autres, j'ai pas les statistiques, mais ça doit être à peu près l'équivalent, là. Donc, ça, C'est croissant. Moi, j'ai 200 personnes sur ma liste au comptoir de Sainte-Foy-Centre, puis 80 à peu près qui viennent 2 fois par mois. Puis quel est le profil de cette clientèle-là? Est-ce que c'est surtout des immigrants, par exemple, ou c'est... Particulièrement nous, au centre de Sainte-Foy, là, on a à peu près presque moitié-moitié. Immigrants de première génération, puis immigrants de plus vieux. Là. C'est parce que moi, je suis immigrant puis indien, là, ça fait que je fais la différence entre... Bref, les immigrants, on l'est tous depuis 400 ans, immigrants, là. Mais tout ça pour dire que, oui, on a à peu près la moitié, nous autres, d'immigrants, mais on est le comptoir où il y a le plus d'immigrants. Parce que si vous allez au comptoir alimentaire de Sainte-Ursule, il y en a très peu, parce que les immigrants qui s'installent là, c'est des immigrants investisseurs. Fait que ils sont moins dans les comptoirs alimentaires. Mais les Syriens de Québec, beaucoup s'établissent là-bas. Ils commencent à arriver. On a un couple. Ça a fait beaucoup de fla-fla avant les fêtes, mais vous savez que tout le monde qui se sont préparés à accueillir des immigrés sont tous déçus parce qu'ils se sont préparés pour en accueillir énormément, puis ils en ont une poignée. Là. C'est appelé au centre multiethnique par leur rang de ça. Ouais. Eh bien, Renaud Blais, dans votre communiqué, vous nous rappelez l'importance de cette grande mobilisation qui existe annuellement autour de Noël. Oui. Et donc, vous avez réussi à ramasser, mais je pensais que c'était écrit 6 000. Vous avez parlé de 15 000 tout à l'heure. Non, Le 15 000, le 12 à 15 000, on n'a même pas le chiffre précis. Ça, c'est ce qu'on a ramassé au total. Ce qu'on a décidé d'investir dans le comptoir alimentaire, c'est 6 000 $. Mais le cercle citoyen n'a pas été créé pour nourrir le comptoir alimentaire. Le cercle citoyen, son objectif, c'est de créer du « nous » avec des « jeux ». Fait qu'on amène les gens à la cabane à sucre. L'année passée, on les a fait cuisiner. On invite les gens. Par exemple, je me présente au comptoir alimentaire, je dis aux gens, est-ce que vous êtes intéressé à une fête à sucre? Donc, qui va être intéressé à cuisiner pour qu'on ait à manger à la fête à sucre? Puis nous, on rembourse la facture d'épicerie de ceux qui cuisinent. Fait que ça permet aux gens, un, de valoriser leur culture d'origine, nous permettre de manger haïtien, colombien, malgache, nord-africain et tout ça, tout en... Il y a deux effets, là. Un, on valorise les cultures d'origine des gens, puis on ouvre les œillères des Québécois à la diversité. Fait que c'est ça le but du cercle citoyen. C'est beaucoup plus que de s'occuper du comptoir alimentaire. Ah, OK, d'accord. Dont on n'est même pas formellement responsable. Et d'ailleurs, dans votre communiqué, on voit que vous allez beaucoup plus loin. Vous mentionnez, je vous cite, « Il y a là une responsabilité évidente, non assumée, par nos législateurs, qui découle du fait que nos plus grands entrepreneurs, construction et médecine, et salariés, se paient des gouvernements afin de se protéger contre les modifications éventuelles des règles fiscales qui leur feraient payer leur juste part d'impôts et de taxes. Ben, » vous êtes pour ça une taxe sur les transactions financières, vous? Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai été membre d'Attaque pendant des années. J'ai participé à l'équipe d'Attaque qui faisait une émission ici à CKRL pendant des années aussi. Mais ce petit bout-là, c'est juste pour dire que c'est pas le manque de richesse qui fait qu'il y en a qui crèvent de faim. C'est une mauvaise répartition. Puis cette mauvaise répartition-là sera pas mise en question tant que les grands possédants de notre société se paieront des gouvernements pour aller défendre leurs intérêts. Donc, vous êtes prêts à mobiliser vos gens avec les gens d'Attaque Québec, avec l'équipe de Claude Vaillancourt. Tous ensemble. Pour marcher dans la rue, peut-être. Ben, qu'est-ce que vous suggérez comme action concrète pour que ça bouge, là? Il y a un momentum, on sent ça, là, que tout le monde frappe sur Pierre-Carl Péladeau, là, puis on a l'impression qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas de poids, il est à l'opposition. Mais le fait qu'il soit la tête de Turc actuelle, ça aide à faire connaître le débat, parce qu'il y a beaucoup de gens avant ça, cette épopée-là, connaissaient pas ce que Attaque Québec fait depuis plusieurs années, de parler de paradis fiscaux, d'être contre les ententes de libre-échange, que dans le fond, la CDP 21, c'est cosmétique, si je prends l'expression qui tourne alentour, que dans le fond, il faut s'attaquer à ces lois qui permettent l'évasion, l'évitement, les paradis fiscaux et qui ne forcent pas de certaines taxes aux riches et aux transactions financières et bancaires. Non, mais tant qu'on aura des gouvernements qui utilisent individuellement eux-mêmes, ça a été prouvé, M. Couillard l'a utilisé, le paradis fiscal, fait qu'ils vont pas l'annuler, cette possibilité-là. Mais encore là, ça, c'est une question, ça, qui devra se régler internationalement. S'il y a un pays qui empêche ses citoyens de plus en plus l'évitement fiscal légal ou qui serre la vis, qu'est-ce qu'ils vont faire, les entreprises? Ils vont déménager, malgré que moi, j'ai des doutes, là. La Banque nationale, la CIBC, ils déménageront pas. Ça m'étonnerait énormément qu'ils déménagent. Ils sont bien intéressés à ce qu'on fasse des placements chez eux. Êtes-vous prêt, M. Renaud-Blais? Je vous vois très, très motivé. Je sais, vous êtes impliqué dans plusieurs organismes et très efficace. J'ai eu la chance de travailler avec vous dans quelques dossiers politiques, sociaux et autres. Êtes-vous prêt à faire comme Claude Vaillancourt et moi, vous asseoir sur une chaise qui a été fauchée à des banques, l'équivalent de CIBC, comme vous mentionnez, qui font de l'évitement fiscal, qui encouragent leurs clients à cacher leur argent dans des îles Caïmans où ils ont eux-mêmes une succursale avec deux employés? Êtes-vous prêt à venir avec nous voler des chaises, emprunter des chaises? Je préfère le vol des oiseaux. Oui, mais d'y aller, de faire de l'action concrète pour dire, voilà, on vous redonnera les chaises quand vous aurez arrêté de travailler à l'évasion fiscale. Tous les gestes possibles sont importants, mais c'est qu'il faut procéder massivement. Par exemple, si on dit un matin ou un après-midi, toutes les succursales de telle banque à l'échelle du Québec vont être envahies par des gens. T'sais, ça prend pas 3000 personnes nécessairement dans la même ville, mais un petit commando dans chaque ville pour aller dans chaque succursale, puis au même moment. Puis ça fait en sorte que tu es couvert par les médias locaux. Pis ça a plus d'impact encore que d'être sorti au téléjournal que plus personne n'écoute. Monsieur Vaillancourt, allez-vous être actif au prochain Forum social mondial qui se déroule à Montréal? Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on va être très présent. Mais juste pour revenir aux faucheurs de chaises, là, le 1er mai, par exemple, dans différentes régions du Québec, Il y a eu des occupations de banques. Ça a été quand même assez systématique. Alors, si à chacune de ces occupations de banques, on avait fauché une chaise, on aurait une belle collection. Donc, juste pour dire qu'on a déjà fait une partie, mais il faut continuer là-dedans. Donc, c'est assez intéressant. Mmh. Et au Forum social, ce qui est intéressant, c'est qu'on va accueillir des faucheurs de chaises. Donc, c'est peut-être un bon moyen de faire ça, parce que non plus, on peut pas se lancer comme ça, dire, bon, je rentre dans une banque, je vais faucher une chaise. Il y a des implications légales. Il faut faire ça de manière concertée, organisée. Oui. Il faut qu'il y ait un message aussi qui soit cohérent autour de ça. Que ce soit non-violent, donc, on s'entend. C'est une action de désobéissance civile et de sensibilisation. Il faut s'assurer aussi que les médias soient là pour qu'on ne fasse pas ça pour rien. Bref, il y a toutes sortes de choses qu'il faut faire, et c'est intéressant de le fait d'accueillir des faucheurs de chaises. Et il y en a qui vont venir, ça, on a l'assurance de ça. Oui. Par exemple, Attaque France est très impliquée là-dedans. Alors, c'est ça que ça peut nous donner, disons, une poussée pour faire une mobilisation qui peut être très intéressante, parce que en France, ça a eu énormément d'impact médiatique, ça. Oui, et, tout à fait. Et ça a beaucoup sensibilisé les gens, cette question de l'évasion de l'évitement fiscal. Puis ce qui est intéressant, c'est que plus d'un organisme, dont les Amis de la Terre France, ont été très actifs aussi avec Attaque France. Donc, il y a possibilité de reporter ces associations-là ici. Et effectivement, je vais m'engager à inviter les gens des Amis de la Terre International et les Amis de la Terre France à venir au Forum social pour aider. Ou peut-être le premier. Est-ce que vous parliez du 1er mai dernier ou le 1er mai prochain qu'il y aura des activités, peut-être? Le 1er mai? Non, je parlais du 1er mai de 2015. Là. Ah, d'accord. Ça a été une belle journée de mobilisation. Vous vous souvenez, au Québec, il y a énormément de choses qui sont passées, et les banques ont été beaucoup ciblées dans cette journée-là. Je ne sais pas, il y a eu combien d'occupations de banques, mais il y en a eu plusieurs. Moi, personnellement, j'en ai fait une. C'était extrêmement intéressant, et ça aurait été très facile de prendre des chaises à ce moment-là, ah, de partir oui. avec. Et ben oui, on empêchait carrément les gens de rentrer dans la banque. On avait accès, bien sûr, à la banque. Ça a pris à peu près, je dirais, un peu plus qu'une heure avant que la police arrive et nous demande de partir, ce qu'on a fait, bien sûr, parce que c'est des actions de désobéissance civile pacifique, comme dit la chanson, sans haine, sans armes, sans violence. Oui, hein? Tout fait. Alors, inspiré d'Henri David Thoreau, qui a inventé l'expression « civil disobedience », la désobéissance civile, mais dans le fond, c'était la résistance gouvernementale passive dans son cas, mais non violente, surtout non violente. Mm. Et je pense qu'il faut s'en tenir à ce genre d'action pour parler. Donc, écoutez, on peut juste dire, pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, un fauchage de chaises, oh, j'ai la misère avec mon ouf, mais sur le site web des Amis de la Terre France, il y a des capsules vidéo qui montrent comment ils le font, et je pense que Attaque France aussi le font. Oui, aussi, il y en a sur le site d'Attaque France. On peut aller voir une vidéo, et ça se fait très pacifique et tout. Donc, je veux remercier Claude Vaillancourt d'avoir pris tout son temps avec nous par la voix des ondes téléphoniques. Et Renaud Blais, avant de nous quitter, avez-vous un message à nous laisser? Concertons-nous, puis quand on parle du Forum social à Montréal, on a la chance qu'il soit chez nous, mais il ne faut pas se contenter d'aller voir. Il faut apporter du contenu à présenter. Il faut inscrire des activités qui vont présenter soit des workshops ou des conférences. Il faut présenter des conférenciers. Il faut amener du contenu. À l'époque où on est, là, il faut présenter du contenu. Il faut pas juste aller là comme touriste. Là. Ben merci Renaud Blais. Ça m'a fait plaisir. Claude Vaillancourt, merci beaucoup. Avez-vous un message, un dernier message? On n'oublie pas, vous nous invitez à aller vous rencontrer le mercredi 3 février au Centre Frédéric Bach, 870 Avenue Salaberry, au troisième étage, à la salle Jourdan. Vous ne serez pas seul pour parler d'austérité, mais ce sera un moment de débattre et de répondre à des questions, de poser des questions aux gens qui se penchent sur ce phénomène de société. Merci beaucoup, Claude. C'est moi qui vous remercie. Je vis dans une maison sans balcon, sans toiture, où y'a même pas d'abeilles sur les pots de confiture. Y'a même pas d'oiseaux, même pas la nature, c'est même pas une maison.